Le Martien débarque sur la Terre. Il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Dans le débarquement. Dans le débarquement. Il a tout à faire. Il a tout à faire. C'est un bleu. C'est un bleu. Un bleu du débarquement. Un bleu du débarquement. Il appelle sa maman. Il appelle sa maman. Le Martien appelle sa maman au sujet du débarquement. Allô maman, je débarque sur la Terre. Le Martien parle depuis le combiné à sa maman pour lui dire qu'il va débarquer sur la Terre. Sa maman est fière. Sa maman est fière de son fils. Sa mère aussi parle dans le combiné. Elle combine dans le combiné une petite parole qui va le réconforter. Va détruire, dit-elle. Détruire, dit-elle. Le Martien entend bien les paroles réconfortantes de maman. Alors, il détruit tout. Il marche sur les terriens. Il détruit tout. Il parle à sa maman. Sa maman a failli tomber dans l'escalier. Elle dit, il me ferait tomber dans l'escalier à m'appeler. Elle dit ça à sa voisine. Il a encore failli me faire tomber dans l'escalier à vouloir me parler. La voisine de la maman du Martien est une soucoupe volante. Ils prennent le café dans la cuisine. Oh mon fils, il m'appelle tout le temps depuis qu'il a décidé de détruire la Terre. La maman et la soucoupe volante décident de partir voir le fils. Le fiston à la conquête de l'univers. Il va aller à l'encontre de l'univers. Et on verra bien ce qui se passera, on verra bien qui rira le dernier. Le Martien, pour le moment, est bien occupé. Sa maman dit à la soucoupe, « Oh, oh mon fils !» Elle arrive avec la soucoupe. Le Martien voit la soucoupe arriver de loin. « Oh, mon fils, regardez qu'il est beau !» Le Martien est fier, il détruit tout, c'est sa fierté. Oh mon fils, comme il est beau, regardez. Et la soucoupe regarde. La soucoupe et la maman sont émerveillées par tant de destruction. Tous les humains ont été détruits, maman. Oh qu'il est beau mon fils, tout est détruit. C'est comme une œuvre d'art, mon fils. Oui, c'est pour toi, maman. La maman rougit dans la soucoupe volante. Oh, oh, qu'il est tout beau mon fils, regardez. Regardez comme il est beau. La soucoupe volante regarde. J'ai tout détruit, maman. C'est la création. Le Martien se demandait bien ce qu'il allait fabriquer aujourd'hui. Que vais-je bien faire de neuf aujourd'hui? Se demande le Martien. Que ferais-je bien aujourd'hui de tout neuf, de jamais produit? Alors, le Martien détruit le neuf. C'est détruire l'œuvre d'avant. Il faut d'abord tout détruire avant de faire du neuf. Tout détruire ce qui a été fait. Et le neuf, c'est détruire par-dessus ça. C'est une nouvelle destruction sur la précédente destruction. Il faudra détruire. La création, c'est ça. C'est détruire à partir de ce qui a été détruit. Tout a été détruit. Alors il faut détruire à nouveau tout cet art qui a été fait. Toute cette création, ça n'était que destruction. À chaque fois qu'on crée, on détruit. Il faut donc détruire encore. Détruire plus profondément, avec plus de conscience, avec plus de volonté. Il faut aller à la destruction absolue, il faut creuser la dent et ne pas se laisser distraire. Oh, oh mon fils, oh qu'il est beau mon fils, regardez. Regardez comme il a tout détruit, dit-elle. Il a détruit ce qui était déjà une destruction. Et maintenant on fait quoi? On se lance à l'assaut de l'univers. L'univers entier à détruire, la vraie, la neuve, la belle destruction à détruire, la toute belle et toute vraie, la toute immense. L'univers qui éclate dans sa création. Et moi, je vais éclater dans l'éclatement, dit le petit Martien. Le Martien se prend pour Dieu. Dieu qui éclate dans sa création. Dieu qui crée et qui éclate. Dieu qui détruit tellement qu'il crée. Le Martien va détruire Dieu, il va éclater. Après l'éclatement de l'univers par Dieu, l'éclatement par le Martien. Après Dieu éclaté, Dieu le détruit. Et tout ça par le Martien. Après l'univers, c'est Dieu qui va s'en prendre une, dit le petit Martien, qui n'a plus peur de rien. La lumière fait exister la forme. Le visage existe grâce à la lumière. Il n'y a pas de visage sans lumière. Le visage se fond dans la forme, mais il est difforme sans la lumière, car la forme elle-même n'est pas. Il n'y a pas un visage qui ne s'est formé sans lumière, car la lumière a donné forme à tous les objets vivants ou inanimés, les objets n'ont pu devenir sans la lumière. C'est la lumière qui a créé les formes. Et pourtant, la forme préexistait avant. La forme attendait la lumière. Et la lumière n'a pu se faire qu'en connaissance de la forme. Car la forme s'est faite grâce à ce que la lumière lui donnait. Au tout départ, on pouvait penser que la forme existait, qu'elle n'avait pas besoin de lumière. Mais si la lumière n'existait pas, il n'y aurait pas eu cette prolifération de formes. Toutes les formes, comme par exemple les visages. Les visages ne se seraient pas faits sans la lumière, comme toutes les autres formes de vie ou de non-vie. Même les formes non-vivantes se sont faites grâce à la lumière. Et pourtant, on pourrait avancer que la forme précédait de loin la lumière. La lumière est arrivée après la forme. Mais la forme n'a pris forme que grâce à la lumière. Avant la lumière, la forme était informe. Elle ne se savait pas. La lumière a fait le savoir de la forme. La forme est une sorte de savoir qui s'est fabriqué grâce à la lumière. Et la lumière, elle n'en sait rien. Elle ne sait rien de ce qu'elle fait. Elle fait et défait les formes, sans rien savoir d'elle, ni peut-être même d'elle-même. Il n'y a pas de savoir qui tienne avec la lumière. Il y a la lumière qui vient et qui montre les formes qui se sont sues grâce, qui se sont sues formes grâce à l'ignorance de la lumière. Le corps allume la nuit. Le corps est un objet qui fait de la nuit une puissance lumineuse. La lumière ne serait rien sans le corps. Le corps a dû allumer la nuit pour que la nuit soit lumineuse, c'est-à-dire pour qu'il y ait un semblant de vie. Même si le semblant de vie dort, le semblant dort, mais il fait corps. Il fait corps avec son semblant, car il illumine la nuit. La nuit ne peut être nuit que si le semblant qui est corps l'allume. Il l'allume avec la nuit, avec la lumière de nuit, mais la lumière de nuit ne serait rien sans un petit corps venu là pour l'allumer, pour faire jaillir la lumière de nuit sur la nuit même. Il n'y a pas de nuit sinon, ni de lumière. Il n'y a qu'un corps et donc il n'y a pas de corps non plus, puisque le corps ne naît que dans le fait qu'il donne vie à la nuit, alors qu'il dort, ou plutôt qu'il fait semblant. Fait toujours semblant de dormir, car dès que ça dort, ça luit. Et donc ça fait jaillir la nuit. Quand il dort, le corps ferme les yeux fermés. Pourtant, la lumière passe dans les yeux et fait jaillir les formes. Et les formes, la nuit, ça pense et ça rejaillit sur la nuit. Le corps fait tout semblant alors que ça pense en fermant les paupières. Nous sommes tracés. Nous sommes parlés aussi à partir de nos traces. Ce sont nos traces. Nous sommes des tracés de nos traces. Nous voulons respirer en dehors de nous, c'est-à-dire de nos traces. Nous ne sommes que des détracements de traces. Nous faisons face à nos traces en nous effaçant. Nous faisons face dans l'effacement. Comment effacer nos traces? En nous décerclant de l'écrit. L'écriture est un cercle. Pour nous décercler, il ne faut plus de traces, ou alors des traces qui détrace notre encerclement. Nous décerclons la parole, nous sommes des décercleurs. Nous, notre parole est notre décerclement. Notre parole doit effacer nos traces dans le parler. Comment s'agiter autrement dans les cercles concentrés? Comment se débarrasser de toutes ces langues encerclantes, sinon en déparlant? Comment s'arracher des parlers qui nous suivent à la trace? Comment faire pour se déparler? Comment faire pour se défaire du langage en opérant un décerclement en soi-même? Il nous faut nous défaire des mots qui nous encerclent trop, les mots qui nous suivent à la trace. Détraçons les mots en les traquant, détraquons le parler en lui faisant face, nous faisons face en écrivant, c'est-à-dire en déferlant. La poésie déferle, la poésie est une déferlante dans le lent. La poésie lentement fait déferler le lent. Tout ce qui est lent est déferlé depuis les dedans. Toute la poésie se répand comme une vague. Nous sommes une montagne qui déferle en vagues lentes. Nous sommes un déferlant lent, une déferlante lente. Nous venons tous du paysage. Nous ne sommes pas enfermés dedans. Nous nous voyons venir depuis lui, depuis les dedans de ce paysage, depuis tous les paysages, nous nous voyons arriver dedans. Nous ne savons pas vraiment lequel nous a fait naître. Il y a plein de paysages différents et nous sommes tous différents. Dès la naissance de tel paysage, nous différons de tous les paysages. Il n'y a pas un paysage qui nous ressemble trait pour trait. Tous les paysages sont différents et nous sommes tous différents dedans. Rien ne nous ressemble et pourtant, nous venons depuis cela, depuis ces traits-là. Nous nous reconnaissons trait pour trait. Nous sommes noyés dans ces lignes-là. Ce sont nos lignes, on les reconnaît. Puisque nous sommes tous couchés dedans, enveloppés dedans, nous sommes roulés dans le paysage qui n'est jamais le même et qui pourtant nous ressemble, qui roule depuis nos lignes, d'un trait à l'autre, nous nous voyons, nous ne savons pas lequel des paysages nous a fait naître en premier, il a fallu plusieurs naissances, il nous a fallu venir d'un tas de lieux, car c'est avant tout le lieu même qui interroge notre venue. Nous venons de quel lieu exactement ? Qu'est-ce qui m'a fait naître en ces lieux? Pourquoi tel paysage a poussé en moi au fur et à mesure que j'évoluais? J'évoluais ici, et puis là, j'ai été nourri de cet horizon, et puis par cet autre, j'ai été gavé d'horizon. Ce n'était pas que mon horizon, c'était l'horizon de plein d'autres qui n'y sont pas forcément nés, qui ne sont pas forcément venus non plus, pas encore. Nous ne sommes pas nés dans ces horizons, de toute façon. Nous ne sommes pas nés là-bas, mais en le regardant d'ici, c'est en contemplant ces lointains d'ici que nous est venue la vue. Nous nous voyons dedans quand nous n'y sommes pas. C'est pour ça qu'il a fallu quitter le pays, qu'il a fallu partir de notre terre, il a fallu s'en aller de tous les territoires pour les voir, les contempler à l'horizon depuis la fenêtre. On a même fini par s'inventer des fenêtres. Ce sont les fenêtres où l'on crée tous les lieux. Et les fenêtres étaient dans nos têtes, les fenêtres et les lieux, tous ces lieux que personne n'a traversés, alors que tout le monde y est né, tout le monde vient de là, tout le monde vient de sa pensée, toute la pensée vient des paysages que l'on a créés de nos mains. Toutes nos pensées remontent depuis nos mains. Tout le monde vient d'une vie intérieure qui finit par sortir, tout le monde sort dans ses pensées. C'est ainsi qu'il naît, il parcourt le pays de sa pensée et il se réalise dedans. La vie naît dans un trait. Nous sommes nés depuis ces lignes, depuis ces âges. Ce sont des lignes de main, des lignes de vie. Nous recouvrons les lignes avec nos doigts, avec nos regards. Nous recouvrons la vue naît dans nos mains. Main de peintre, main d'écrivain, c'est avant tout la main qui voit. La main qui sent et qui voit, qui est dans les lignes, nos lignes de vie. Nous naissons en parcourant nos lignes de main, par les mains qui touchent les lignes. Il faudrait lire en aveugle, il faudrait voir des monceaux de lignes ouvertes, ouvertes mais pas couvertes, et s'inscrire dedans, s'enfourner dans les épaisseurs, toucher les lignes par le regard manuel, la vue de chacun de nos doigts, que chacun de nos doigts y voit en touillant, farfouillant, que chacun de nos doigts parcourt les lignes de la main de l'écrivain ou du peintre, que les peintres, pardon, que le peintre ne voit que par l'œil de sa main, que sa main franchisse les lignes de l'écrivain, que l'écrivain parcourt les lignes du tableau peint, que l'écrivain soit dans le paysage, un pays de lignes, un pays peint, qu'il traverse ces lignes comme quand il lit, qu'il s'enfonce dans le pain comme dans un livre, que le peintre touche les lignes du livre aussi avec sa main, avec ses outils qui prolongent sa main, ses outils qui sont des prolongements de main, ces outils qui prolongent le regard, qui regardent et sentent depuis les mains comme des longues vues, des outils qui touchent et qui sentent l'écrit depuis les lointains pays du pain, que l'écrit soit comme une matière pour lui, comme le tableau soit pour l'écrivain un recueil de textes, un long poème creusé, une épaisseur parlante, que le pain soit une langue pendue, la langue pendue du pain.